The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To look for. Chercher. Bookstore. La librairie. Around. Autour de. Watch out. Attention. To find. Trouver. Now, a bit faster. Watch out. Attention. Bookstore. La librairie. To find. Trouver. Around. Autour de. To look for. Chercher. Now, use the words in context. Chercher. Je cherche mon passeport. Chercher. They're not looking in the right place. Ils ne cherchent pas au bon endroit. Chercher. Vous cherchez une boulangerie? La librairie. Il a emprunté ce livre à la librairie. La librairie. La librairie n'est pas fermée. La librairie. Vous savez où se trouve la librairie? Autour de. Elle a du maquillage autour de ses yeux. Autour de. There's no one around the swimming pool. Il n'y a personne autour de la piscine. Autour de. Tu as mis des fleurs tout autour de ton jardin? Attention. Watch out, you're going to fall. Attention, tu vas tomber. Attention. Watch out, it's fragile. Attention, c'est fragile. Attention. Attention, vous risquez de vous faire mal. Trouver. La tour Eiffel se trouve sur la rive gauche de la Seine. Trouver. You're not in the right place. Vous ne vous trouvez pas au bon endroit. Trouver. Nous nous trouvons bien rue Voltaire.